Voici maintenant l'Info Campus, présentée par le journal Zone Campus. L'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières convie les étudiantes et étudiants à son Assemblée générale spéciale le mardi 13 février entre 10h30 et 13h30 au local 10-12 du pavillon de la vie étudiante. Parmi les points abordés, les statuts juridiques de la chasse-galerie, la réforme des statuts et règlements, le dépôt du budget et l'ouverture d'un bureau indépendant pour les plaintes à caractère sexuel. Veuillez noter qu'une levée de cours sera effective durant les heures de l'Assemblée. L'École internationale de français est présentement en période de recrutement pour la période de mai à août. Des postes d'animateurs et de techniciens sont à combler. Pour pouvoir postuler, il faut être étudiant à l'hiver et à l'automne 2018 ou être finissant à l'hiver 2018. Il faut envoyer son curriculum vitae ainsi que sa lettre de motivation à eif.embauche@commercialuqtr.ca avant le 20 février. La Galerie R3, annexée au pavillon Benjamin Sulte, vous invite à l'exposition Cinétique, un projet basé sur des œuvres numériques. Le vernissage aura lieu le 8 février et l'exposition se terminera le 2 mars. L'entrée est gratuite et les heures d'ouverture de la Galerie R3 sont du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille vous invite à une conférence midi. Le sujet s'intitule « Soutenir les enfants dont un parent ou un proche est atteint d'une maladie mentale, l'initiative communautaire Anna et la mère ». La conférence aura lieu le 14 février entre 11h30 et 13h30. Aucun frais n'est exigé. Pour vous inscrire, il faut écrire au francis.coutu@commercialuqtr.ca. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca.